Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, c'est Lost in Space, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées, et cette semaine, c'est, comme une semaine sur deux, le tour des nouveautés. On va donc attaquer avec Clam, puis Fontaines D.C., et ensuite deux morceaux en live. Alors c'est pas des nouveautés, mais comme il y a plein de concerts en ce moment, ça vaut toujours la peine d'entendre ce qui se fait. Donc on aura d'abord Jane's Addiction et Smashing Pumpkins, puis Amil and the Sniffers, et on finira cette première petite séquence avec The Interrupters, à mon avis l'un des meilleurs groupes actuels dans la mouvance ska-punk. I'm boys are going to be doing a little bit of music. And this is kind of exciting because this band behind you is kind of a conglomeration of Smashing Pumpkins and Jane's Addiction, right? Do I have that correct? Yeah, we were trying to come up with a name. It was Jane's Pumpkins. That seemed to be too bawdy, right? Or what was it? Jane's a Pumpkin Addiction. Now. Yeah, Jane's a Pumpkin Now. Jane's that was a what pumpkin we settled now, on. But that wasn't sexy enough. Are you going first, Perry? Are you going to do Jane yep. Says? Don't be nervous, boys, just because I'm watching. It's okay. Bye now. does that look gorgeous. Like fun? First of all, Billy, the smile on your face when you are playing for Perry Farrell is just contagious. You are really happy in that moment, aren't you? I love this song so much. It's one of the great songs, you know? It is a great song. And when you're smiling there, I'm imagining you're saying, I can't believe now that Perry and I are friends and I am playing on the same show with him. I don't know. I'm projecting all these thoughts into your head. Is that what's going on? You're only touching how I feel. It's such an honor, and it's just so much love. And, you know, look, I was the guy in the crowd, you know? Yep. Well, I watched. You're on stage with me. Yes, man. I'm on stage with you. 88. So from our band, because here's the thing, people like to look at a band through the rearview mirror. Think of all the trips we've taken, the plane flights, all the things that could go wrong. The fact that we're still here, that 32 years ago, my band opened for his band and we were nobody. Right. And I saw them play this song, you know, if you told me, hey, 32 years from now, you guys are going to be going on tour and you're going to be friends and your families are going to know. Yeah, I would think you're insane. It's like, there's no way. We'll be right back. I couldn't believe the earth was still spinning and I could still breathe. All that I saw painted in gray, all of the color just faded away. Now you're my angel, a sweet, sweet soul. And though it's painful, I let you go. My heart keeps beating. My heart. Been red, roses are dead. Don't have the strength to get out of this bed. But you're my angel with sweet, sweet eyes. And I'm so grateful you saved my life. My heart keeps beating. My heart keeps beating. My heart keeps beating. My heart. On continue donc toujours avec nos nouveautés, avec le tout dernier album des Brian Johnstone Massacre, ce groupe qui avait fait cette magnifique bande-annonce de la série Boardwalk Empire. On aura aussi les Fabulous Ship, groupe français qu'on a déjà écouté la semaine dernière, les petits chouchous, ensuite les Australiens de Chats, puis Goat, le groupe suédois psychédélique qui revient avec un nouvel album. Là, c'est le premier morceau qui est sorti, mais il y en aura d'autres après. Et enfin, Yard Act, les petits chouchous post-punk du moment. Le prochain morceau s'appelle Believe in God. Comment peux-tu croire en Dieu aujourd'hui? We'll be right back. horses, bandaged up his bloody knees. Poor thing's been exhausted since 83. But from the causeway, it's hard to see the full extent of the damage. You couldn't see the woods for the trees. Fuck me, how am I supposed to cope in the age of a gentrified savage? There's no hope. Kids these days, they think they've been outdone by, but they've never even looked at an iron lung like I did once. They've got the whole thing wrong, just bumbling along on the bottom rung, sucking each other off and popping designer bombs. It's a constant hit. It's not worth what you're paying for it. In my day, the gear on the street was so weak, it could eat your ambition in a matter of weeks, just trying to envision the peak, and that's bleak. And that's bleak. The overload of discontent, the constant burden of making sense. It won't relent, it won't repent, how to remain in dissonance. The overload of discontent, the constant burden of making sense. It won't relent, it won't repent, how to remain in dissonance. Now then, look here, what you need to understand is, if you want to make some decent money from it, you'd be better off kicking that dickhead singer you got in out the band and getting yourself a gig down the Grand. I know the landlord, Fat Andy, and I bet he'd be up for giving you a leg up if you just give him a hand. Just don't be doing originals, play the standards and don't get political. I know what that dickhead singer's like. He'll end up in the back of an ambulance with the mic stand rammed up his ass twice over, all because he couldn't ignore the flag and be polite. Show some respect and listen to my advice, because if you don't challenge me on anything, you'll find I'm actually very nice. Are you listening? I'm actually very fucking nice. Continue donc avec nos nouveautés. On vient d'écouter Yard Act à l'instant avec The Overload. On attaque maintenant avec Astaford Mods. Donc j'en ai déjà passé plusieurs fois. Groupe du Gers, un peu rigolo, on va dire. On aura ensuite Holy Scum, Gila Band, qui est l'ancien Girls Band. Troupa, un groupe de post-punk cold wave polonais qui sort un excellent album. Et enfin, Jeremy J. Mais ma parole, ils sont encore tous en retard, quoi. Je me demande bien pourquoi je me fais chier tous les week-ends avec ces tocards. C'est pas avec ces zigs qu'on va un jour monter en ligue, je te le dis, quoi. Putain, mais qu'est-ce que tu fous à pied, toi, couillon? T'es pas venu avec ton daron? Tu vois pas qu'il y a pas assez de place dans les caisses? Tu crois qu'on va y aller à la pince à ton ins? Putain, mais quelle bande de peintres, quoi. Allez, tu m'appelles ton père tout de suite, et dans la mesure où l'hérédité est monnaie courante chez ton genre de guignol, tu lui précises bien de venir avec sa bagnole. J'ai réuni suffisamment de poulets pour pas trop miser sur les guiboles. Il va pas nous faire chier avec le prix de l'essence, ça fait 3 ans qu'il a pas payé ta putain de licence. Ou alors, s'il pouvait offrir une licence 4 au bar du club, on aurait plus à se faire chier à lui servir ses pastilles dans des bouteilles d'Orangina. D'ailleurs, la dernière fois, avant le match des moins de 9 ans, j'ai dû me gourer dans le service des petites bouteilles jaunes parce qu'il s'est plaint d'avoir bu du soda. Bon, les autres, maniez-vous, ragez les gonfles dans le filet, montez dans les bagnoles et dégagez. Ce match, il faut le gagner. Je suis un peu José, mais pas tellement Mourinho. Ici, pas de retraite pour Ricardo et Casano. Notre maestro, c'est Cristiano, Ape Ronaldo. Mais qu'est-ce que je gagne avec cette bande de charlots? Je m'appelle bien José, mais pas tellement Mourinho. Ici, pas de retraite pour Ricardo et Casano. Notre maestro, c'est Cristiano, Ape Ronaldo. Mais qu'est-ce que je gagne avec cette bande de charlots? Oh nom de Dieu, c'est quoi ces bestiaires? Ma parole, c'est tout flingué, c'est ça les murs de poussière? D'ailleurs, j'espère qu'ils vont pas nous faire jouer sur le stabilisé. Ouais, remarque, c'est ça où leur foutu change à chair. Bon, les gars, aujourd'hui, je veux qu'on joue au ballon. On oublie le dernier match où on n'a pas été bon. C'est du passé, ça se joue dans la tête et on y est là. On joue pour les copains, les gars. Et quand je perds le ballon, je m'arrête pas, je défends. Tout le monde y défend. La première défense, c'est l'attaque. Hein. Et on le regarde pas, les autres, on a pas peur, ils sont comme nous. Ils ont deux yeux, deux oreilles, deux pieds, 10 doigts. Comment? Ouais, enfin, ouais, mais toi, ton père, il bosse à la centrale aussi, ça compte pas. Ouais, d'ailleurs, si tu pouvais te pousser un troisième pile, ce serait peut-être le bon. Les deux autres, ils sont tellement carrés qu'à chaque fois que tu touches le ballon, t'es à peu près aussi précis que Dolph Lundgren qui ferait une tête avec le menton. Ouais, je sais pas si vous avez vu, hein, mais on a un arbitre officiel, donc je veux pas avoir de mauvais gestes, pas de tournevis dans les chaussettes, on n'a pas d'excuses, on n'est pas dans le Gers. On va le gagner, ce match. Je suis un peu José, mais pas tellement un Mourinho. Ici, pas de retraite pour Ricardo et Casano. Notre maestro, c'est Cristiano. Ape Ronaldo, mais qu'est-ce que je gagne avec cette bande de charlots? Je m'appelle bien José, mais pas tellement un Mourinho. Ici, pas de retraite pour Ricardo et Casano. Notre maestro, c'est Cristiano. Ape Ronaldo, mais qu'est-ce que je gagne avec cette bande de charlots? Allez, ça y est, on met le pressing direct là! On y va, ouais, ouais! Allez, tu es tout premier, attention à la frappe! Mais putain, c'est quoi cette frappe de pull cinéen là? Rassure-moi, d'ici je vois pas bien! Je vais pas avec Medicine Ball au moins! Putain de vieux pied de l'épreuve, allez, on revient! Mais nom de Dieu, pas de passe dans l'axe là! Ça, c'est comme tirer son propre chien à la chasse, ça! Mais qu'est-ce qu'il fout le goal? Eh, comment c'est lui déjà là? Lavergne? Lavergne! T'es con ou quoi? Replace-toi! Mais comment ça, t'es concentré? Ah ouais, t'es concentré, ouais! Ouais, t'es concentré, ouais! Eh, tu le vois le poteau à ta droite? Eh ben c'est le poteau gauche, tête d'ail. Eh ouais, ben c'est bien, on en a déjà pris un là. Ouais, putain, c'est reparti là, en profondeur là, GG, ouais. Ouais, ouais, 3 points, mais putain, il va m'arranger combien des ballons en soute, ce cabour. Eh, t'as remarqué que t'as volé seulement le mercato à la saison des labours? Eh, tu peux le tirer les 6 mètres à la place de l'équipe adverse, continue à viser leur but, quoi. Putain, mais y'en a pas un qui plante dans cette équipe de cèpes là. Vous postulez pas sous le dortoir, c'est ça? Putain, mais on va pas le gagner ce match, quoi. Je suis un peu José mais pas tellement un Mourinho. Ici pas de retraite pour Ricardo et Casano. Notre maestro c'est Cristiano, Ape Ronaldo. Mais qu'est-ce que je gagne avec cette bande de charlots? Putain les mecs on joue pas au ballon. On monte pas sur le porteur, on a peur. On les regarde jouer là. Bordel les mecs ils attaquent. Et nous on reste plantés sur le champ de patates. Comme une bande de suricates défoncés à la DMD. Qui constaterait une arrivée massive de cobras en tutu là. Véhiculé par des deltas pleines. Heureusement qu'on frappait des armoiries du duc de foutre chiasse. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Putain mais monter sur le porteur du ballon c'est pas possible. Rien dans le short ou quoi? Merde! Putain mais on va pas le gagner ce match quoi. Je suis un peu José mais pas tellement un Mourinho. Ici pas de retraite pour Ricardo et Casano. Votre maestro c'est Cristiano, Ape Ronaldo. Mais qu'est-ce que je gagne avec cette bande de charlots? Eh hey, papa le soutien, il y a un retrait là-haut, oh, oh, l'arbitre là-haut, putain l'attentat là, eh hey. Hey, faut la sortir la biscotte là quoi. Ouais entre ton deux à gazon là. Ouais ta gueule toi, ouais tu vas voir ma mère, ouais. Faut se coucher va. Putain j'ai un blessé, un seul remplaçant là maintenant. Eh hey, ya, tu rentres. Ben non tu rentres pas, ouais ouais ouais on est 10, tu veux quoi, tu veux qu'il soit 12 ou quoi? Putain reste là, au moins t'es démarqué. Ouais puis on va chercher de la flotte là, casse-toi. Eh hey, Lolo il passe pas lui. Ouais c'est bon il a ses protèges tibia là, on s'en branle. Taille, taille-le là. Ouais quoi l'arbitre, ah là tu le sors le rouge est pendu. Mais putain tu vois pas qu'il simule. Ouais comment ça le genou c'est notre faute, si monsieur il est un peu pas des rotules là. Putain ouais ta gueule toi, tu vas voir on va te retourner à la maison la guindoule ouais. Eh hey, si on est dernier de boule on va pas retenir les coups de boule quoi. Putain neuf on peut pas le gagner ce match quoi. Putain vous voyez le rouge au district, je suis encore bon pour organiser un loto quoi. Fais chier connard de corbeau. Je suis un peu José mais pas tellement un Mourinho. Ici pas de retraite pour Ricardo et Casano. Notre maestro c'est Cristiano, Ape Ronaldo. Mais qu'est-ce que je gagne avec cette bande de charlots? Je m'appelle bien José mais pas tellement un Mourinho. Ici pas de retraite pour Ricardo et Casano. Notre maestro c'est Cristiano, Ape Ronaldo. Mais qu'est-ce que je gagne avec cette bande de charlots? Putain fais chier. Ouais c'est clair. excited. Still needs improvement. But that was perfect. Dirty forward. Back washed. No one looks cool around a wasp. My shoes get in a strub. I give dirty looks to people reading books who say they don't watch cartoons or anything that is blue. A shark attack and you to all. Nouveauté toujours sur Radioactive 100 FM, votre émission du dimanche soir Lost in Space. On continue avec The Chats, comme je l'ai dit tout à l'heure, un de nos groupes favoris des petits Australiens. Encore un morceau d'Astaford Mods, on en aura même encore un deuxième après avec un remix de fait par La Jungle. On aura aussi Westone, Off et donc Astaford Mods et le remix de La Jungle. Grave. Et toi dans la vie, est-ce que t'aimes bien les voyages? Putain, mais pourquoi j'ai dit ça? T'aurais dû demander ce qu'il écoute comme musique plutôt. Ouais, j'aime bien, surtout quand c'est pas loin. Et putain, je suis encore bon pour aller me faire chier en Irak. J'ai un plan Airbnb en plein centre de Nérac. Mais tais-toi malheureuse, je donne pas le plan si ça se trouve c'est un pervers narcissique. Et est-ce que t'as tous tes points sur ton permis? Oui, j'ai tous mes points en ce moment. Ah, ça c'est bien. Oui, je trouve aussi. L'autonomie, c'est super important. Pour sortir le samedi, c'est des fois pas pratique. Quand t'as plus de permis, le mieux c'est d'aller sur Mythique. Se bouger le week-end, c'est souvent pas marrant. Pour se cogner des rendez-vous de merde au restaurant. Et toi sinon tu fais quoi dans la vie? Je sais vraiment pas quoi lui dire, hein. En même temps c'est pas un philosophe non plus. Épée, je suis là et après on verra bien. Mais c'est quoi ces questions à la con là? Putain! C'est vraiment sympa de venir manger ici. En fait, pas du tout. J'aime rien ici. Ouais, c'est pas mal, mais je préférais avant. Ah, parce que là, leur poster de Charlie Chaplin et Marilyn Monroe, merci bien. J'hésite un peu à prendre un dessert. C'est compris dans la formule du midi. Ah, ça c'est bien. Oui, je trouve aussi. Et tu manges pas la peau de ton confit. Pour sortir le samedi, c'est des fois pas pratique. Quand t'as plus de permis, le mieux c'est d'aller sur Mythique. Se bouger le week-end, c'est souvent pas marrant. Pour se cogner des rendez-vous de merde au restaurant. On peut aller boire le café à la maison. Ouais, ça m'arrangerait bien parce que là, j'ai pas de bus avant 18h. Merci une autre fois, je dois aller faire des courses. Eh ben, tu crois que j'ai pas vu venir, lui? Il est mignon, tiens. Ah tiens, moi aussi, ben je peux t'accompagner. Au pire, elle me dépose au point du passage et ça va aller tranquille. Non mais je vais juste acheter du terreau et de l'engrais. Boudou, mais il me pègue, il va pas me lâcher. Tu vas à Jardiland, avenue du Midi. Oui voilà c'est ça, et j'y vais maintenant. Ah ça c'est bien. Oui je trouve aussi. Le caviste à côté fait des soldes en ce moment. Pour sortir le samedi, c'est des fois pas pratique. Quand t'as plus de permis, le mieux c'est d'aller sur Mythique. Se bouger le week-end, c'est souvent pas marrant. Pour se cogner des rendez-vous de merde au restaurant. Pour sortir le samedi, c'est des fois pas pratique. Quand t'as plus de permis, le mieux c'est d'aller sur Mythique. Se bouger le week-end, c'est souvent pas marrant. Pour se cogner des rendez-vous de merde au restaurant. On the table, dash down, roam around, ninjas on the bus, phones off, off the hook, dangling from the cable, jolly good, be bashed, so say all of us. I'm slowly falling. standing in the black. White line stop signs, isn't it fantastic? News flash, mind crash, tell me what's the crack? Du matin, ah là on fait moins les malins. J'avais pas dit hier soir que je ferais mon sac demain. Ah ouais mais merde, demain c'est maintenant putain. Et allez, 3 slips, 2 paires de chaussettes, pas besoin de plus pour aller faire la fête. Motivé pour aller rendre visite aux copains, en l'occurrence Rémi, Mathieu et Julien. Bon mais on n'est pas rendu, c'est un peu loin. On se casse et puis basta. Avec 1 litre de brûlois, manière, le temps de faire la route. Ah oui parce qu'on prend pas l'autoroute. Eh ben non, c'est trop cher, on va pas leur filer un radis. Et puis on n'a pas le temps pour ces conneries, c'est parti, on se casse d'ici. à partir juste avant l'ouverture du café du commerce, et ça c'est plutôt bien. Sinon, autant te dire qu'on remettait le départ au lendemain, ou même on partait plus du tout, si qu'on n'en est pas à notre premier coup, comme la fois on était parti en Espagne, qu'en fait, mais on n'est pas parti du tout. Et puis on est bien passé pour des cons avec la voiture remplie de sacs à dos, garant Warning deux jours devant le bar. Ce coup-ci, on est parti, il n'y aura pas d'histoire. Et pour être sûr d'être peinard, j'ai mis une annonce hier soir sur Blablacar, et je me suis réservé la place aussitôt. Je les ai bien niqués sur ce coup-là, ces blaireaux. Walshuzi, putain, mais où est-ce qu'on est ici? Ah, visiblement, on est dans le Berry. Tiens, une maison, à vendre, parti. Ça ressemble à la Haute-Vienne, que des paysages pourris. Boulangerie fermée, épicerie fermée. Et quand je dis fermée, c'est fermé à vie. Même leurs stations-service à la con, elles sont fermées. Heureusement, on a un jerrycan de super. Et ouais, pas moyen de nous baiser la gueule à nous faire rester. Et allez, Soissons, là-haut, putain, que c'est long. Vers Maubeuge, par contre, dès 95, deuxième à droite, au bois de Beaufort, ça sent bon. Y'a quand même putain de quoi un champignon. On a à peine passé la frontière que déjà tous les bleds, ils ont des noms de bière. Mais merde, c'est quoi cet enfer? Tiens, on va s'arrêter à acheter des clopes, parce qu'en plus ici, elles sont moins chères. Pour le prix d'un paquet, t'as un paquet plus un demi. Parce que le demi, il est moins cher aussi. Enfin bon, tu m'as compris. En gros, tu peux fumer et boire pour le même prix. Attends, je le crois pas. Non mais sans déconner, ils vendent des clopes même à Intermarché. Voilà qui va nous faire gagner du temps. Je m'avais pris un paquet sur le champ. Et là, pile au moment où la caissière me l'étend, il se passe un truc bizarre. Eh bien, elle me regarde fixement en me disant « s'il vous plaît ». Ah bon? Je l'ai pas dit? Ah mais merde, il me semblait l'avoir dit. J'ai vraiment pas envie de passer pour un mal poli, autant pour moi. À part ça, c'est pas trop des paysans, ça ressemble à ça chez nous pour l'instant. Des routes chiantes au milieu des champs. Ah oui, à part que leur putain de panneau vert, eh bien c'est pour les autoroutes. Par contre, l'autoroute, elle est gratuite. Bon bordel, ils vendent des bières et des clopes dans les stations-service, on va vraiment se plaire ici. Bon, faudrait quand même arriver avant la nuit. Direction Mons, c'est là qu'on a rendez-vous avec les amis. Je crois qu'en plus on est pas très loin, mais pas moyen de trouver un panneau où c'est écrit. À ça, pour nous indiquer Bergen, il y a du monde. Impossible de trouver sur la carte, mais c'est indiqué partout. Mais on veut pas aller à Bergen, putain, on veut aller à Mons. Et allez, vas-y qu'on tourne en rond. Non, on va pas encore s'arrêter à cette putain de station. Tiens, on va prendre par là, direction Bèche. Ça a l'air sympa comme nom. Arrivé au centre du village, il y a comme une ambiance d'anguille sous roche. On pousse la porte du premier bar et là, direct, il y a un truc qui cloche. Déjà, le nom du troquet, le parapluie national. Et puis à côté, eh ben t'es, un musée du carnaval. Et puis le patron t'accueille en souriant. Chez nous, c'est plutôt quand on se casse que le patron est content. Bref, direct, il nous propose un soda bien frais. C'est pas trop notre truc, mais on n'est pas d'ici, on veut pas vexer, on se sent un peu obligé. Et là, il nous claque trois jupilères sur le comptoir. Ah, c'était une blague. Ça va, on le prend plutôt peinard. À peine la première finie, qui nous demande un truc bizarre. Est-ce qu'on va savoir en boire une autre? Bah écoute, j'ai réussi visiblement à boire la première sans en foutre partout. Je veux pas trop m'avancer, mais pour la deuxième, ça devrait bien se passer. Mais bon, merci de t'inquiéter. Et là déboule un pote à lui qui s'appelle Eddie et qui met la sienne. Et là déboule Tony, pareil, il met la sienne. Puis c'est autour de Nico, même mise en scène. Bon, c'est sympa les gars, mais c'est quand on paye. Y'a pas moyen visiblement. Mais ma parole, on va sortir d'ici en rampant. Tiens, on va goûter ce truc là qui a l'air un peu original. Une bouteille en forme de quille où il y a écrit Orval. C'est bon ça, putain, ça passe plutôt bien, un savoir-faire certain. Et allez, c'est parti pour une dégustation. Brasserie de la Seine, Boum, Dupont et la Bêchoise triple fermentation. C'est foutu, on repartira pas d'ici. Ah ben ça tombe bien, on va dormir au-dessus de la brasserie. Et puis Mons, tant pis, on ira demain midi. Il chica, voilà. Tu parles d'une nuit, plutôt une sieste par vie. 2 heures de sommeil, réveillé à 6h du matin. Aujourd'hui c'est le début du carnaval, putain. Rendez-vous avec Stéphane chez Gilles. Ah oui, parce que pendant le carnaval il s'appelle tout Gilles. Et les gosses sont tous déguisés, laisse tomber le merdier. Un tennisman, en bouteille de pastis, un sommelier, en maison à vendre ou encore en balai. Et dans toutes les rues ça joue du tambour. Et sur le tamis de l'apéro, je peux te dire qu'ils sont loin d'être à la bourre. Y a pas moyen de boire un café? Pas du tout évident ce putain de projet. Mais bon, on a réussi à trouver. 8h du matin et on retourne au bar. Et là c'est la guerre pour accéder à ce putain de comptoir. Vas-y que tout le monde déjeune au houblon, son nom à fond les ballons. De bon matin, la compagnie créole et ça part direct en farandole. Apparemment, c'est le moyen de transport officiel ici. Bon ben, on va boire encore un demi et ensuite on décolle. On va prendre la prochaine pour aller jusqu'à la bagnole. Tiens, ça sonne. Ah, enfin, Mathieu au téléphone. Eh ben oui, nous aussi à la base on voulait venir à Mons. Mais là on vient à peine de réussir à se sortir le cul des roses. Rendez-vous dans 1 heure à la guinguette montoise. Ok, pas de soucis, on sera en place. Ça a l'air tranquille comme endroit pour se poser. Quoi? Cette feuille dorée? C'est le nom du quartier? Non? C'est pas ça? Bon, on arrive et puis on verra. On continue les nouveautés avec Where the Nightmare, puis Fiddler, que vous avez vraisemblablement vu au Pointu il y a quelques années. D.O.C.s avec leur tout dernier album, beaucoup plus punk que les précédents. Foo Fighters, en fait c'est un concert, ils chantent My Hero qui est un vieux morceau, mais vous savez, le batteur des Foo Fighters est décédé, et là c'est une session avec son fils de 16 ans qui prend sa place à la batterie. C'est assez émouvant, et on finira cette petite séquence avec un extrait du tout dernier album des Pixies. We'll be right back. He needs to be here tonight with all of us. And I think it makes sense that he's gonna come up and play with us tonight. Ladies and gentlemen, would you please welcome Mr. Shane Hawkins on the drums. Shane starts his song. Now, use that evidence.

on continue avec les nouveautés, avec un morceau très rigolo en fait, où c'est une espèce de musicien fou qui reprend en fait le morceau des Smashing Pumpkins 1979 en le jouant comme si c'était Joy Division qui l'avait écrit. Une petite merveille. On aura ensuite No Age, Drala, Holy Scum et enfin Dosser.

Les nouveautés toujours sur les ondes du 100FM et de Lost in Space. On va continuer donc avec Yard Act et on en aura quand même un deuxième après. On aura ensuite, après l'End of the Blind donc de Yard Act, on aura un groupe français qui s'appelle Ella Atone et le morceau Télépatine, c'est plutôt pas mal, une assez bonne surprise. Puis Anti-Flag, donc le retour de ce grand groupe de punk rock américain avec le morceau Imperialism. Une reprise ensuite de Yard Act qui reprennent donc les Gangsters de Special. Ça avait été fait pendant le confinement, vous allez voir, c'est la version assez fun. Et on finit cette petite séquence par Dollface Murder. Switch indifference to a liquid narrative. Obviously, I tried writing you out of the will. I just hadn't the guts to lie through my teeth, though only because I'm susceptible to the truth on the bleakest of moons. And though there is a beauty in a whole truth, the knotty roots of a shameful past will never let it be. New shoot is an escape route, loot the debris. And make no mistake, we are living out our last days in the land of the blind, where the one-eyed man was king until he lost his fucking mind. Hey! Cram crummy hands into empty pockets, a quick whip round for the long-suffering house band, whilst peace treaties are breached, so we can fuck about half-naked on the beaches of some far-off foreign land. We all get a commemorative 50 pence piece each for the peace treaties breached and the palms greased that are never on the ends of the elbows digging the graves of the deceased. Please, have a seat. I'm gonna show you all a magic trick. It's sort of a surprise. So, if you just lend me that 50 pence piece in your hand and then close your eyes. I'm going to make me and this 50 pence piece disappear. We'll be right back. sense. Yeah, once you know me, you realize I'm your best friend. You've been needing a new friend. I'm gonna be there till the end. Did things my own way, made up my own rules. Took off a Sunday and stored all your jewels. Moved into your house, you said, can you move? I said, I'm going nowhere. A must. Better bring it, motherfucker. Did things my own way, made up my own rules. Took off a Sunday and stored all your jewels. Moved into your house, you said, can you move? I said, I'm going nowhere. Yada from Leeds. This song is Gangsters by The Specials. Why must you record my phone calls? Are you planning a bootleg LP? Said you'd be by gangsters. Now it's you. Revenants, Selector Radio, Jam Supernova, peace out. C'est bientôt la fin de ce Lost in Space. On attaque la toute dernière séquence de nouveautés avec Pete Pony, les Fustains, un morceau très très très calme de l'un de mes chanteurs favoris. Alors c'est vrai que ça correspond pas forcément à ce qu'on écoute beaucoup dans l'émission. Je veux parler de Bill Callahan qui a joué dans Smog, qui a une voix absolument extraordinaire, vous la repérez directement. On aura après un petit groupe qui s'appelle Gustav, le morceau Best Behavior, c'est plutôt frais, on va dire. Presque de la synth pop en fait, post-punk synth pop. Et enfin, pour finir l'émission, je suis tombé sur Annie l'autre fois, je vous ai passé un morceau des Smashing Pumpkins en 1979 joué comme si c'était Joy Division, et bien dans le même état d'esprit, une autre reprise jouée comme si c'était Joy Division, et cette fois-ci ça concerne les Red Hot Chili Peppers et leur morceau I Could Have Lied. Et après, ça sera, on aura une petite surprise, hein, la petite pastille après l'émission, avant de retourner sur la playlist de nuit et de se retrouver la semaine prochaine. Soon I'm slipping off the rails. course I am your lover man. Yes, I am your lover, lover, lover man. Coyotes are getting bolder. They come to watch the dog sleep. Sleeps later. I am lover man. Speak a look that shares so many seeds. said to you were true. I could never change just what I feel. My face will never show what is not real. Good and bad, I'm such a fool. My eyes could never, never, never keep them cool. Show her and I told her now. She struck me when I fucked her now. Gone, but she's gone away. A soulful song that would not stay. You see, she hides 'cause she is scared. I don't care. I won't be spared.